Unité 1. Activité 7. A. Nation, Porte Dauphine. B. Gambetta, Porte des Lilas. C. Charles de Gaulle Étoile, Nation. D. Ballard, Pointe du Lac. E. Châtelet, Mairie des Lilas. F. Gare Saint-Lazare, Olympiade.